18h pile au studio de la radio Isanganiro. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette dernière édition du journal par la langue française de ce samedi 4 novembre 2018, dont voici d'abord les grandes articulations. Les habitants du quartier Kilili en zone Lohéro de la mairie de Bujumbura demandent des éclaircissements sur les badges de résidence qui leur sont exigés. Et à Bouanza, environ 500 enseignants de cette province se lamentent des retraits de cotisations sur leurs salaires par des syndicats dont ils ne sont pas membres. Vous l'entendrez dans son reportage de Space Caritas Kabanyana et en agriculture. Le ministre Deogui de Lulema a annoncé la fin de l'expertise et du réaménagement du barrage hydroagricole de Kajeke d'ici la fin de cette année. Richard Kougarou Guilachu à la présence. Présentation de ce journal mise en onde par Metusemi Tewutsi et bienvenue encore. Isanganiro, la radio de l'avenir. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Certains habitants du quartier Kilili en zone Lohéro de la mairie de Bujumbura demandent des éclaircissements sur les badges de résidence qui leur sont exigés. Léon Sengendakumana, vice-président du parti Sawaya Frodebu et résident à ce quartier, précise que ce badge va coûter 10 000 francs burundais. Il demande des explications sur la différence entre ce document et la carte nationale d'identité. Suivez-le, joint au téléphone par Elinibel Nibigira. Je demande des éclaircissements, je demande des précisions pour que je puisse m'acquitter de cette tâche en comprenant quel est l'objectif qui est visé, puisque l'objectif n'est pas bien précis. J'ai appelé le chef du quartier, de l'autre quartier, pour lui demander certaines précisions, mais il n'a pas été à mesure de me donner tous les éclaircissements nécessaires. Je lui ai posé la question d'abord de savoir qui a pris cette décision et qui a fixé le montant de 10 000 francs pour ce badge, alors que la carte nationale d'identité que nous disposons aujourd'hui coûte 500 francs et qui est utilisée sur tout le territoire national. Je demandais la différence entre ce badge et la carte nationale d'identité et l'attestation de résidence que nous avons. J'ai posé la question de savoir la qualité de l'autorité qui va signer sur cette attestation, sur l'étendue de la République sur laquelle cette décision a été prise. Est-ce que c'est uniquement ici au quartier Bougizo, c'est à mairie de Bujumbura, c'est au niveau national? Aucune précision sur tout cela qui nous réunissent et qui nous donnent toutes les précisions nécessaires et indispensables pour l'acquisition de cette carte. L'argument que j'ai entendu, c'est qu'il y aurait beaucoup de gens qui circulent dans ce quartier qui ne sont pas identifiés. Et si ce badge s'inscrit dans le cadre de préserver la sécurité? C'est exactement ce que nous demandons. Pour qu'on vienne nous l'expliquer, ou soit le ministre de l'Intérieur, si c'est lui qui a pris cette décision, il faut qu'il nous l'explique. La seule raison que j'ai entendue, ça serait la sécurité du président de la République. Cela ne m'a pas convaincu. Pour la sécurité du président de la République, il vit un peu partout dans le pays. Il circule un peu partout dans le pays. Il faut qu'en ce moment-là, ceci pour la sécurité du président de la République, il faut que la base soit instaurée sur tout le territoire national pour chaque citoyen burundais. Deuxièmement, depuis le chef de l'État jusqu'au chef de quartier, en passant par les ministres, en passant par les gouverneurs, en passant par les administrateurs communaux, le chef de zone, on confirme que la paix et la sécurité qui règnent sur le territoire du Burundi est au niveau de 99,9%. C'est vraiment l'unique au monde. Comment est-ce qu'on peut prendre de telles mesures dans un pays où la paix et la sécurité règnent à 99,9%? C'était la voix de Ngendakumana Léon, c'est le vice-président du parti Sawaya Frodebu qui a été joint au téléphone par Elinibel Nibigira. Et la rédaction de la radio Isanganiro n'a pas réussi à joindre à ce propos le chef du quartier Kilili, mais le chef de zone Lohéro a promis de s'exprimer dans nos éditions de ce lundi. Poursuivons toujours avec la page sécurité. Une grenade a été lancée la nuit de ce samedi sur la colline Mugina en province Cibitoki, blessant une femme du nom de Marie Imanira Kiza. Les témoignages sur place disent que la victime serait accusée de sorcellerie et le chef de zone Buseruko, Emmanuel Habiambele, dit que les enquêtes sont en cours pour que les coupables soient punis. Cette autorité administrative ajoute que des réunions sont organisées pour renforcer la sécurité. Reportage de Gertrude Maunayo. Selon les témoignages des voisins et proches de cette femme âgée d'une soixantaine, c'était à 20h passées qu'une grenade a été lancée. Une des voisines de cette femme dit qu'elle s'est ensuite précipitée pour se rendre compte de ce qui se passait et qu'elle a trouvé la victime allongée sur terre en train de saigner. Elle a ensuite alerté les voisins qui ont venu au secours et la victime a été transportée à l'hôpital. Une des proches de la victime disait qu'elle était en beau terme avec les autres, mais que des fois elle était taxée de sorcière, ce qui serait le mobile de cette attaque, comme le pense cette proche de la victime. Emmanuel Habiyambele, chef de zone Ouseruko, dit quant à lui que la vieille femme victime n'avait pas de mauvais rapport et ajoute que les enquêtes sont en cours pour que les coupables puissent être identifiés et punis conformément à la loi. Cette autorité administrative ajoute que ces derniers jours, des tracts relatifs à la sorcellerie dont les auteurs ne sont pas encore connus ont été retrouvés dans cette localité, mais que des réunions de sécurité sont organisées pour tranquilliser la population. Emmanuel Habiyambele, chef de zone Ouseruko, dit que dans cette même optique, une réunion de sécurité est organisée dans l'après-midi de ce lundi. Restons dans cette localité de l'ouest du pays. Environ 500 enseignants de la province Bouvanza se lamentent des retraits de cotisations sur leurs salaires par les syndicats dont ils ne sont pas membres. Le président du syndicat STEB tranquillise et précise que cette question sera bientôt réglée. Rémi Sengiumva l'a déclaré ce samedi lorsque les membres de ce syndicat célébraient 25 ans d'existence du STEB. C'est un reportage signé Spescaritas Cavagnana. Ces enseignants qui se lamentent des retraits de cotisations sur leur salaire par des syndicats qu'ils ne reconnaissent pas se demandent comment leurs matricules sont données à ces gens qui font ces opérations et demandent d'être rétablis dans leurs droits et rester membres d'un syndicat auquel ils ont demandé adhésion. Le président du syndicat STEB dans la province de Bouvanza, lui aussi victime de ces retraits jugés injustes, indique que pas mal d'enseignants se plaignent et comme il n'est pas à hauteur de résoudre ce problème, il précise qu'il a transmis la question aux instances hiérarchiques. Nicodème Nicobamier ajoute qu'environ 500 enseignants sont déjà victimes de ces retraits sur salaire. Lors des cérémonies de la célébration de 25 ans d'existence du syndicat STEB, des cérémonies qui ont eu lieu ce samedi à Bouvanza, le président du STEB au niveau national a précisé que cette question sera bientôt résolue. C'est une question qui vient de passer quelques années. Heureusement ou finalement, nous avons été en réunion avec le ministre de la fonction publique qui gère les syndicats dans ses attributions. On s'est convenu de comment on va procéder pour que cette question soit vidée. On s'est convenu sur une fiche où l'enseignant lésé va remplir et il va préciser le syndicat de son adhésion et le syndicat dans lequel il ne désirait pas être. Il va rester alors le travail technique et la fonction publique, je pense qu'il y a des techniciens qui vont entrer dans les machines pour les rayer de ces syndicats qu'il ne désire pas. Nous lançons alors un appel à tout enseignant lésé de contacter les communaux. Il y a une commission communale comme tous les représentants des syndicats. Il faut qu'ils les approchent pour s'inscrire et nous espérons et nous souhaitons que la question soit vidée d'ici la fin de l'année. Est-ce que la somme d'argent retranchée leur sera remise? Vendredi, parce que nous avons été à Gitega avec tous les provinciaux des syndicats, des enseignants. La question est revenue, mais on leur a dit qu'il faut d'abord qu'on stoppe cette machine de vol et pour qu'après on s'assoie pour voir la deuxième étape de la question. L'Emmins Sengiumva demande aux enseignants de suivre de près la situation et vérifier régulièrement leur salaire puisqu'il y en a qui sont victimes de ces retraits sans le savoir. Spécialitas Kavanyana, Bumanza, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 18h09, poursuivons ce journal avec le rapatriement. Les Burundais qui sont rentrés du Rwanda sont pour la plupart des immigrants sans papier. Cela a été dit par la représentante du Haut Commissariat pour les réfugiés au Burundi, Hukporti Gogo. C'était ce vendredi lors de la remise d'un don au Commissariat général des migrations. Répondant aux questions des journalistes sur la non-assistance des Burundais qui rentrent du Rwanda, elle a répondu qu'une personne non reconnue par le pays d'asile comme réfugié et enregistrée comme tutelle par l'OHCR, est considéré comme un immigrant illégal qui ne bénéficie pas d'assistance du OHCR. À propos du rapatriement des Burundais qui sont réfugiés au Rwanda, la représentante du OHCR au Burundi dit que cette question a été évoquée lors de la dernière visite du Haut-Commissariat au Burundi. Suivez Hukporti, elle est la représentante du OHCR au Burundi. Nous avons eu la visite de notre haut-commissaire il n'y a pas longtemps dans le pays et cette question a été évoquée, la question concernant le rapatriement des réfugiés en province du Rwanda. Et il est question que le Rwanda et le Burundi s'entendent pour signer un accord tripartite. Comme vous le savez, lorsque le RCR s'implique dans le rapatriement, nous signons un accord qui nous sert de cadre légal pour le rapatriement. C'est ce que nous avons fait avec la Tanzanie, d'où nous rapatrions en ce moment. Et donc, nous essayons maintenant de faire un accord pour que nous puissions rapatrier aussi les réfugiés en provenance du Rwanda. En ce qui concerne la question d'assistance, je crois qu'il est important de faire une nette différence entre les réfugiés et les migrants. C'est très important. Un réfugié, c'est celui qui est donc accepté dans le pays d'asile, qui est reconnu par le pays, par le RCR, que nous enregistrons et à qui nous donnons un document d'identification. Or, à notre connaissance, ceux qui sont rentrés du Rwanda, il me semble que ce sont des migrants qui n'avaient aucun papier. Et donc, par conséquent, ces personnes ne relèvent pas du mandat du RCR. Donc, il faut faire très attention à ce que nous disons. Un réfugié qui est reconnu au Rwanda, qui rentre, devrait pouvoir nous donner un papier. Même s'il n'en a pas, nous avons la possibilité de voir avec nos collègues du Rwanda pour savoir si telle et telle personne sont enregistrées au Rwanda comme réfugiés. Si ce n'est pas le cas, ces personnes ne peuvent pas dire qu'ils sont des réfugiés. Et donc, c'est difficile pour nous de leur donner une assistance quelconque. C'était la voix de Hukporti Gogo. Elle est la représentante du HCL au Burundi. Du rapatriement à l'agriculture, le ministère de l'Environnement, l'Agriculture et l'Élevage annonce la fin des expertises et du réaménagement du barrage hydro-agricole de Kajeke d'ici la fin de cette année. Lors de la présentation ce samedi des réalisations dans son ministère pour les trois derniers mois, Deogi de Lurema a reconnu que le barrage qui avait été érigé par ceux qui avaient gagné le marché allait constituer un danger pour la population environnante. Il indique également que les moyens financiers alloués à la construction de cette infrastructure sont en train d'être collectés. Suivez-les dans la traduction française de l'Inibel Nibigira. Kajeke murabizi umugambi watanguye kera hanyuma abari bajeje gushira mu ngiro. Kajeke, vous le savez, c'est un projet qui ne date pas d'hier, mais ceux qui avaient été chargés de l'exécuter ont été défaillants et c'est pourquoi notre ministère a pris la décision de suspendre les travaux au lieu de dilapider les moyens financiers pour voir comment le réaménager d'une manière moderne. Aujourd'hui, tous les travaux ont été suspendus. Nous avons commandité une expertise. La première étude a déjà pris fin et a démontré que quand bien même la construction de ce barrage continuerait, elle constituerait un danger pour la population car elle n'était pas construite d'une façon moderne. On leur a demandé de poursuivre avec la deuxième étude pour nous montrer le modèle d'un barrage de qualité. Maintenant, nous attendons que toutes ces études prennent fin d'ici la fin de l'année, puis chercher des entreprises expérimentées en érection d'infrastructures. Maintenant, que ce soit le gouvernement burundais, que ce soit nos partenaires dans le développement, nous sommes en train de les convaincre pour avoir des moyens et nous espérons que nous n'allons pas revenir en arrière et que ceux qui auront le marché de construire le barrage ont une expérience pour que le gouvernement puisse en bénéficier. C'est dans le cadre d'accroître le rendement, car nous voulons que les récoltes soient bonnes dans la plaine de Limbo, que ce soit pendant la saison pluvieuse ou que ce soit pendant la saison sèche. Si on parvient à irriguer 3000 hectares, je pense que la plaine de Limbo pourrait servir toute cette région et sa population. C'était la voix du ministre de l'Environnement, l'Agriculture et l'Élevage, Deogi de Lurema, en traduction française de l'Inibel Nibigira. Certains commerçants ambulants demandent le respect de l'ordonnance régissant cette activité. Ils disent que malgré la mise en place d'une réglementation, le désordre règne toujours dans ce secteur. Ils affirment que des policiers ou des personnes en tenue civile les arrêtent souvent, leur disant qu'ils travaillent hors la loi, même s'ils se seraient fait enregistrer dans les communes. Oban Niyonguru. Certains de ces commerçants disent qu'ils sont malmenés, même s'ils se conforment aux prescrits de l'ordonnance ministérielle qui réglemente cette activité. Ce vendeur des arachides dit avoir été arrêté deux fois au centre-ville de Bujumbura. J'ai déjà été arrêté deux fois. Ils ont confisqué mes marchandises. Je me suis arrangé pour avoir un autre capital et reprendre le travail. Parfois, je ne suis pas rémunéré parce que mon patron me fait payer ce qu'on me dépouille. J'utilise un capital de 10 000 francs. Un autre commerçant qui vend les habits indique qu'ils sont parfois dépouillés de leurs marchandises, même lorsqu'ils sont dans les quartiers. Ceux qui travaillent au centre-ville ne peuvent pas porter des gilets au risque de se faire arrêter. Même dans les quartiers, on nous malmène. C'est pourquoi nous n'osons même pas porter ces gilets. Ces commerçants ambulants demandent aux services habilité de faire respecter l'ordonnance qui régit cette activité. Merci à Oben Yonguru pour son reportage. Clôturons ce journal par cette annonce du ministère de la Sécurité. Plutôt à propos de ce sujet qui vient de passer, le commissaire adjoint de la police en mairie de Bujumbura indiquait que ces commerçants ambulants ont été interdits de prester au centre-ville de Bujumbura. Il indique que ceux qui sont arrêtés payent les amendes à l'Office burundais des recettes. Et le porte-parole du ministère du Commerce, lui, a promis de s'exprimer dans nos éditions ultérieures. Le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes rappelle aux candidats policiers qui se sont fait inscrire et qui remplissent les conditions que les tests d'entrée à la police débuteront mardi de la semaine prochaine. Annonce faite par ce ministère via son porte-parole Pierre Houlikié. Suivez-le. Et le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes rappelle aux candidats policiers qui se sont fait inscrire et qui remplissent les conditions que les tests d'entrée à la police se dérouleront la semaine prochaine comme suit. Pour les candidats agents de police, les tests auront lieu les mardis, mercredis et jeudi, les 6, 7 et 8 novembre de cette année. Et puis pour les candidats brigadiers et officiers de police, les tests vont se dérouler les vendredis et samedis. Et le 9 et 10 novembre de cette année. Chaque fois, les tests vont commencer à 7h30 et les candidats sont invités à se présenter. Cette heure-là, à leur chef-lieu de la province d'origine, et munis d'un stylo bleu et d'une règle plate et d'une tenue de sport. Le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes souhaite la bonne chance à tous ces candidats qui veulent intégrer la police nationale du Burundi. C'était la voix de Pierre Ngurikiye. Il est porte-parole du ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes. Et c'est auditrices et auditeurs, c'est par ici que nous bouclons ce journal. Aimé Toussaint-Mité Woutsi a assuré la mise en onde. Et Richard Koubgalougil a été à la présentation. Et je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de la radio Isanganiro. Yeah.